Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse « Les anti-françaises enchaînées à l'esclavage », une série de Stéphane Bonnefoy réalisée par Diffie Mariani. Au départ de cette série, il y a ces histoires complexes qui ne passent pas et des commémorations difficiles. Et l'esclavage comme un système cruel et fondateur dont les traces sont partout pour qui veut bien les voir. Alors pour commencer, les personnages. Un archéologue qui lit ce qui reste, une historienne qui donne les faits, un historien qui décode et des familles et leurs souvenirs. Ensuite, le décor. Le sucre, une colline en Guadeloupe, un procès, un cachot, l'évangélisation, l'hypocrisie, des cases en bois, le racisme, le viol, la peur de l'empoisonnement, le code noir, des chants d'oiseaux, la terre et une abolition intéressée. Aujourd'hui, premier épisode, tout le monde est complice. Vous savez, en 1660, entre 1660 et 1664, vous avez des bulles papales qui viennent du pape et qui disent « Vous avez notre bénédiction. Allez en Afrique, allez aux îles, dominez-les, servez-vous et rapportez-nous de l'or. » Il n'y avait pas de problème moral, véritablement. Il y avait une nécessité économique. On se rend compte que le sucre est en train de percer sur le marché européen et celui qui tient ce marché, il a la fortune. Donc ils sont tous en rivalité sur les marchés de Rotterdam, d'Amsterdam, de Bruges, etc. Ils sont rivaux. On veut développer les Antilles de telle sorte que tout ce qui est produit aux Antilles rapporte à la métropole. Et c'est pour ça que le principe érigé par Colbert, c'est pas un clou ni un fer à cheval aux colonies. Nous, ce que nous voulons, c'est ce que nous n'avons pas. Le sucre, le café, le cacao, les épices, etc. Voilà. Et c'est très important. C'est un filon. C'est-à-dire que c'est prendre en France de quoi aller faire des échanges en Afrique, ramener aux Antilles des Noirs, des captifs, et ensuite ramener le sucre. C'est ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Et qui va produire ? Eh bien, on va instituer un système qui s'appelle l'esclavage, où le producteur, celui qui produit véritablement, le travailleur, sera la propriété du maître. Autrement dit, il est esclave à vie. Il est esclave à vie. L'espérance de vie d'un esclave. 25 ans. 25 à 30 ans. C'est véritablement un individu considéré comme une bête de somme. Et ce qu'on lui demande, c'est de produire. Au nom du sucre, crime et profit. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Diffie Mariani. Alors là, on est donc dans le Nord Grande Terre. On est sur la commune de Dansbertrand, sur l'habitation Mahaudière, et qui est donc encore plantée aujourd'hui au milieu de champs de canne à sucre, que l'on voit pratiquement à perte de vue. Ce qui permet vraiment d'avoir une vision de ce que pouvait être cette habitation au XIXe siècle. Mathieu Dussauge. On est arrivé à remonter jusqu'aux années 1730 sur l'habitation à Mahaudière, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existait pas avant. À cette époque-là, c'est probablement une cotonnerie, en fait, un endroit où on produit du coton et non pas du sucre encore. Hein. Et alors le sucre, par contre, ça va venir se mettre en place fin du XVIIe siècle, en fait essentiellement à cause des Hollandais qui sont chassés du Brésil par les Portugais et qui vont venir s'installer dans les petites îles de la Caraïbe et apporter avec eux un savoir-faire, cette production et l'exploitation donc de la canne à sucre pour en faire du sucre. Et évidemment, ça va intéresser très rapidement la Guadeloupe, hein, plus que la Martinique d'ailleurs à l'époque. Et ensuite, va devenir pratiquement une monoculture, en fait. Elle va s'étendre très rapidement. Alors, au départ, à la Basse-Terre, qui est vraiment la première île sur laquelle les colons vont s'installer. Et puis, rapidement, voyant donc l'intérêt de produire de la canne à sucre, ils vont se diriger vers la Grande Terre. Et donc là, on va pouvoir avoir des grandes propriétés pour produire de la canne sur des grandes surfaces et donc pouvoir produire un sucre qui va être compétitif. Le Moyen-Âge était un temps où on aimait le salé, on aimait l'aigre, on aimait l'épicé, le poivre. Avec le 18e siècle, c'est le sucre qui est recherché en termes de goût. Et il y a un changement alimentaire qui a fait que la demande explose et elle ne cesse d'augmenter au cours du 18e siècle. Dominique Rogers. C'est vraiment ce que tout le monde recherche, c'est vraiment extrêmement important. Et la France en a besoin, non pas parce qu'on consomme beaucoup de sucre, on en consomme à peu près 10 fois moins que les Anglais à l'époque, mais justement les Anglais ne produisent pas assez de sucre par rapport à leur consommation. Et donc effectivement, la richesse de la France, c'est à pouvoir produire ce sucre pour pouvoir le revendre et donc faire un énorme bénéfice sur la revente. Alors l'habitation à la Mahaudière, on est entre 150 et 200 esclaves à peu près, ce qui est moyen supérieur, je dirais. C'est déjà une belle habitation. Là, quand on a 150-200 esclaves, on fait partie des habitations importantes de Guadeloupe. L'habitation, en fait, depuis le début de la colonisation des Antilles, donc au milieu du XVIIe siècle, c'est un complexe qui regroupe des terres qui sont mises en culture. Donc une partie cultivée, une partie qui est laissée en jachère, c'est ce qu'on appelle la savane. Et puis ce sont des bâtiments, les quartiers du maître, le quartier des esclaves, donc ce qu'on appelle à l'époque les casanègres. Et puis la troisième partie, c'est les bâtiments qui permettent donc de produire le sucre ou toute autre activité économique qu'on peut trouver sur ces habitations. Toute la vie est conçue et organisée autour de l'habitation. Ce sont des sociétés d'habitation. René Bélénus. Même pas la peine de se poser d'autres questions, c'est une finalité économique. Donc l'esclave, il est là pour produire, point très. On ne se pose pas de questions. Et donc l'Église va jouer le jeu parce qu'elle n'a pas trop le choix, elle ne pouvait même pas contester. Le premier prêtre qui osait, le premier curé qui osait en chair critiquer le système, il était dans le premier bateau, on l'a renvoyé en France. Donc tout le système était axé pour organiser, pour cautionner le système esclavagiste. Et donc la production sucrière. Il n'y a que ça qui compte. Alors là, on est vraiment à l'endroit où se trouvait la maison principale. Donc on voit qu'il ne reste plus que les soubassements maçonnés. Toute l'élévation a disparu, cette élévation était en bois. Une maison relativement réduite, hein, une centaine de mètres carrés au sol, une salle un petit peu de réception, deux chambres, et puis le galta au-dessus, l'étage du dessus, qui peut servir de pièce de stockage, voilà, de grenier, etc. Donc ce sont des espaces quand même assez réduits. Il faut chasser un petit peu de son esprit l'image hein, véhiculée traditionnellement par les grands films américains sur l'histoire de l'esclavage. Ça se passe en Louisiane, en Virginie, avec des très très grandes demeures pour les maîtres. En Guadeloupe, ça c'est assez rare. Donc la maison principale, c'est là où va résider donc le maître, le propriétaire ou souvent aussi son représentant. Donc dans cette partie, ce qui est intéressant, c'est de, on le sent un petit peu là, vous voyez, c'est de sentir l'air. Évidemment, le choix du positionnement de la maison principale est dû à cette nécessité de ventilation. On est dans un endroit où il fait très chaud, hein, on le ressent bien. Donc on a choisi en fait un petit morne, une petite colline au milieu de la plaine. Vous voyez qu'autour de nous, on a essentiellement une plaine et très peu de relief. On a ce petit relief qui est là, qui justifie donc l'implantation de la maison principale à son sommet. Dans cette maison de maître, il y a bien sûr le maître, sa famille, en l'occurrence Mahaudière. Hein, Mahaudière, là par contre, résidait, les Mahaudières ont toujours résidé sur l'habitation depuis qu'on a la trace de leur nom, c'est-à-dire à partir des années 1760. Là, on sait qu'on a des Mahaudières à partir de ce moment-là et on va en avoir pendant toute la période de l'esclavage et même au-delà. Compte rendu de la cour d'assises de la Pointe-à-Pitre, île de Guadeloupe, session d'octobre 1840. Alors Jean-Baptiste Douillard-Mahaudière est resté célèbre pour avoir été un maître qui a été conduit devant les tribunaux pour mauvais traitement sur une de ses esclaves, l'esclave Lucille. Le jeudi 22 octobre 1840, la cour d'assises de l'arrondissement de la Pointe-à-Pitre s'est assemblée au palais de justice. On connaît les détails de ce procès, en tout cas les détails du rapport qui a été fait par le greffier à cette époque-là, et notamment des différents propos tenus par les uns et les autres, de Lucille elle-même. Étaient présents M. Ménestrier, conseiller à la Cour royale de la Guadeloupe, européen, président. Messieurs Clairet, créole, et Leroy, européen, juge. Monsieur Mondésir Magloire, homme de couleur, commis greffier. Monsieur Jean-Baptiste Douillard Mahaudière, habitant propriétaire, demeurant à Lens-Bertrand, prévenu de séquestration et de torture contre Lucille, son esclave. Lucille, esclave, ne prête pas serment, s'exprime en créole. Alors Lucille, c'est une esclave qui a été accusée par son maître d'avoir empoisonné des têtes de bétail. Le maître se plaint d'avoir perdu 281 bêtes, donc c'est absolument énorme. Caroline Houdin-Bastide. Elle est accusée également, par conséquence, disons, d'avoir empoisonné 4 esclaves, 3 hommes et une femme, qui ont mangé la viande de ces bêtes. Amené de l'hôpital, M. Douillard Mahaudière est à demi couché sur le banc des accusés. Position qu'avec l'autorisation de la cour, il a gardé pendant toute la durée des débats. Il est accusé, justement, lui, de l'avoir enfermé dans un cachot pendant 22 mois, de l'avoir mis au fer. Et donc, lui est poursuivi en 1840 pour mauvais traitement envers son esclave. Il considère, Douillard Mahaudière, qu'il a fait justice lui-même, comme beaucoup d'habitants le font, hein, bien sûr, sur leurs habitations, où ils sont vraiment, ils exercent aussi la justice. Hein, et il considère que donc elle mérite le cachot parce qu'elle a empoisonné. Le président à Lucille. Pendant votre captivité, votre maître vous visitait-il ? Jamais. Ses filles vous faisaient-elles passer des aliments ? Quelquefois. Le plus souvent, c'était mes enfants qui m'apportaient du pain. On le coupait en morceaux et on me le faisait passer par-dessous la porte. Je l'attirais ensuite à moi à l'aide d'un bâton. Donc un cachot très rustique, hein, une construction en maçonnerie, sans ouverture à part la porte. Un espace intérieur d'environ 5 mètres carrés où l'esclave ne pouvait pas se tenir debout. Une simple banquette. Et puis voilà, on lui apportait à manger de temps en temps pour qu'elle puisse survivre. Me voyant condamnée à périr dans le cachot, je demandais à un prêtre pour mourir au moins en chrétienne. On me le refusa. Je ne concevais pas tant de rigueur de la part d'un maître si bon. Le président à M. Nicolet, curé de Lens-Bertrand, 33 ans, second témoin. Comment vous, ministre de la paix, protecteur du pauvre et de l'opprimé, n'avez-vous pas pensé qu'il était de votre devoir de poursuivre jusqu'au succès la délivrance d'une malheureuse enfermée dans un cachot ? J'obéis aux inspirations de ma conscience, dont je ne crois pas avoir à rendre compte ici, répondit le curé. Monsieur Douillard Mahaudière est un homme qui se distingue autant par sa douceur envers ses esclaves que par ses actes de charité envers les malheureux, qui sont très nombreux dans notre paroisse. Je n'accepte pas votre morale. Dans un premier temps, Louis XIII est hostile à la traite ou à l'esclavage. Mais il a fallu le convaincre que c'était une pratique chrétienne qui consistait à les sortir du paganisme en Afrique et les faire venir coûte que coûte, parce que bon, c'était une façon de sauver leurs âmes, quoi. Donc il a mis quelques conditions, mais enfin il a accepté sur cette base-là. Et c'est pour ça que dans les chartes de colonisation, on impose la religion. On impose la présence de, notamment des pères dominicains pour évangéliser non seulement les colons, mais aussi les noirs. Mais c'est hypocrite. L'évangélisation, ce n'est qu'une couverture. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la malédiction de Cam, parce que ça, c'est fondamental pour comprendre cette affaire-là. C'est un passage de la Bible qui concerne Noé et ses fils. Et comme Noé, un soir de beuverie, était rentré et puis il était sur son arche tout nu, et l'un de ses fils, Cam, s'est moqué de lui. Et il en rigolait avec un deuxième frère qui s'appelait Sem, et un troisième, Japhet, qui lui, au contraire, a recouvert son père. Et quand Noé a appris la vérité, il maudit Cam et sa descendance. C'est un pasteur hollandais qui s'appelait Heidegger, qui au XVIe siècle avait développé une théorie disant que lorsque Noé maudit Cam et son fils Canaan, sa peau s'assombrit, il devient l'ancêtre des Noirs. Et Sem, celui qui avait un petit peu rigolé, devient l'ancêtre des Sémites, c'est-à-dire des Arabes et des Juifs, et Japhet devient l'ancêtre des Blancs. Et mais c'était complètement bidon, hein, cette explication. Mais c'est ça qui va prévaloir. Et les religieux vont abonder dans ce sens parce que ça, ils ont besoin d'une caution morale. Et tout le monde va tomber dans le panneau. On retrouve ça pendant les trois siècles d'esclavage, pratiquement, aux Antilles. Alors, on va se diriger vers le quartier des Casas Negras. Donc, ces cases étaient composées donc, de matériaux extrêmement légers. La plupart du temps, donc, elles sont en bois, avec des cloisons qu'on appelle des golettes, c'est-à-dire en fait des croisements de branches entre lesquelles on va mettre du torchis et qui vont créer des cloisons, donc on l'imagine très légères. Des toitures qui sont en général couvertes en chaume de canne à sucre, donc en général assez modestes, une vingtaine de mètres carrés. D'espaces qui étaient donc très rapprochés les uns des autres. Alors cette fois-ci, on n'est plus comme du côté de la maison de maître au vent, mais on est bien sous le vent, et donc évidemment un climat qui était beaucoup plus difficile pour les esclaves que pour le maître qui bénéficiait d'une bonne ventilation. Et on a retrouvé en fait des terrasses qui ont été aménagées pour pouvoir poser ces cases. Donc là, ce qu'on a devant nous, c'est un terrain un petit peu plat qui nous laisse deviner l'emplacement d'une de ces terrasses. Quand on dit les esclaves, on parle de qui en fait? On parle de qui? Parce qu'il y a une hiérarchie chez les esclaves aussi. Il faut bien comprendre, il y a une hiérarchie. L'esclave de base, c'est ce qu'on a appelé le nec de jardin. C'est l'énorme majorité. C'est celui qui souffre, celui qu'on frappe parce qu'il ne veut pas travailler. Parce qu'il faut aussi comprendre les choses comme ça. Quel intérêt l'esclave a à se tuer au travail? On dit qu'il est voleur, qu'il est paresseux, etc. Mais pourquoi voulez-vous qu'il se tue au travail? Et qu'est-ce qu'il y gagne? Et ça, c'est la réalité. Pourquoi on les fouette? Pourquoi on les frappe? Mais c'est parce que, justement, ils ne veulent pas travailler. Par contre, ils sont experts pour saboter les biens du maître. Donc ça, c'est la catégorie de base. Au milieu, vous avez les esclaves domestiques, ceux qui sont au service du maître, dans la maison du maître. Ceux-là, ce sont des privilégiés. Ils vivent, ils mangent bien, ils récupèrent les vêtements du maître. Mais ce sont les plus dangereux. Parce que ce sont des gens qui sont dans une condition qui peut basculer d'une minute à l'autre. On peut les renvoyer au champ. Sur la moindre erreur, la moindre bêtise. Vous voyez? Donc, ces esclaves domestiques, en quoi ils sont dangereux? C'est que quand ils sentent que la roue va tourner, ils deviennent un danger pour le maître. Ils sont dans la meilleure position pour l'empoisonner, brûler sa maison, brûler ses biens. Donc on se méfie d'eux. Et puis au sommet de la hiérarchie, il y a ce qu'on appelle les négatalents. Le négatalant, c'est celui qui a un métier. Le gars qui sait faire le rhum, qui sait faire le sucre. Mais pas seulement. Donc il faut doubler cette hiérarchie du travail, de l'organisation du travail, par une autre hiérarchie qui est celle du préjugé de couleur, avec des termes qui vont être inventés justement pour pouvoir désigner telle ou telle personne en fonction de son métissage, en fonction de son pourcentage de sang blanc ou de sang noir dans ses veines. Donc on pense à métis, bien entendu, on pense à carteron, un quart de sang noir, mulâtre, bien entendu, qui sont encore des termes qui perdurent encore aujourd'hui hein, dans la société antillaise, il faut bien comprendre ça aussi. Ce sont des termes qui sont donc créés à cette époque-là pour bien matérialiser, bien mettre en place cette hiérarchie de couleurs. Donc on peut dire qu'il y a une progression en fait sociale liée à la carnation, voilà. Et plus on est clair, plus on est à même à accéder à des tâches et à une condition de vie qui est meilleure. Par exemple, parmi les domestiques qui sont donc aux proches du maître, ils sont tous métis et le plus clair possible, bien sûr, c'est ce qui est recherché par le maître. On est persuadé à l'époque que le sang blanc amène la civilisation, amène une certaine tempérance aussi dans le caractère, alors que le sang noir est lié à des aspects beaucoup plus sauvages, animaux même, hein, et voilà. Et toute cette théorisation en fait raciale, raciste, on dirait aujourd'hui, se met en place progressivement au cours du XVIIIe siècle et ne disparaîtra finalement pratiquement jamais. On procède à l'interrogatoire de Monsieur Douillard Mahaudière. Il déclare qu'ayant eu des preuves que les pertes énormes qu'il faisait dans ses troupeaux et dans son atelier avaient pour cause le poison, ses soupçons s'étaient portés sur Lucile. En observant la conduite et les paroles de cette esclave, se forma en lui la conviction de sa culpabilité. Alors, il n'hésita plus à donner l'ordre à son commandeur de la conduire au cachot. On donnait à Lucile une ration de farine de manioc et de morue, égale à celle des autres nègres, ainsi qu'une quantité suffisante d'eau. C'est une servante, c'est-à-dire que manifestement, elle s'occupait de son service très proche, hein, de ses vêtements, de sa chambre, de sa personne. Elle lui apportait, disait-il, de très bons soins. Donc c'était une servante attachée à la personne, qui souvent était justement des esclaves favoris, avec, si on peut dire, service sexuel ou non selon les cas. Mais enfin, c'était aussi souvent justement des personnes qui pouvaient avoir une relation d'intimité très grande avec leur maître ou leur maîtresse. Lucile prit à son tour la parole. J'ai toujours éprouvé les meilleurs traitements sur l'habitation de mon maître jusqu'au moment où j'ai encouru sa disgrâce. C'est moi qui le soignais dans ses maladies. Il me promit la liberté. Mais la première fois que je lui demandai de réaliser sa promesse, il en remit l'exécution à un autre temps, sur le motif qu'il était malade. Après son rétablissement, mes prières devinrent plus pressantes. Je lui offris même mon pécule. Il me refusa toujours, sous prétexte que mes soins lui étaient indispensables. Il y a, c'est évident, des rapports qui vont se créer, des rapports humains qui vont se créer dans une situation de domination, qui reste toujours une situation de domination. Si le maître se détache de cet esclave, il peut à ce moment-là le vendre, l'emprisonner, le faire fouetter, selon son désir. Le président à Monsieur Douillard Mahaudière. Avant son incarcération, Lucile avait-elle été soumise à des châtiments ? Jamais, jamais. Son service et ses soins m'étaient agréables. Elle a toujours été traitée avec bienveillance. N'avez-vous pas eu des relations intimes, des rapports particuliers avec cette femme ? Jamais. L'audience est levée et renvoyée au lendemain, 10h du matin. Il semble, par rapport à un certain nombre de déclarations, qu'en fait elle a été son amante et qu'elle a eu un enfant de lui. Une fille, Félicité, que d'ailleurs M. Douillard Mahaudière a libérée plus tard. Beaucoup de femmes sont dans la maison du maître parce qu'elles sont en même temps la maîtresse du maître ou du fils du maître. Sauf que toutes les gamines, toutes les petites esclaves de 13-14 ans passent à la casserole, hein, dans l'esclavage. Moi, j'appelle ça le viol avec consentement. Pourquoi ? Parce que vous avez tout intérêt à faire un enfant mulâtre qu'un petit enfant noir qui, lui, sera encore dans l'esclavage. Tout le monde sait que c'est l'enfant du maître, y compris la femme du maître. Et parfois, le maître va le favoriser, va en faire un contre-maître, va en faire un... Hein? Et il va peut-être même pas l'oublier sur son testament. Il va peut-être même l'affranchir. Audience du 24 octobre. Le président à M. Louis-René Bullier, maire de la commune de Lens-Bertrand, 45 ans. Quelle est la réputation de l'accusé dans votre commune ? Nul n'a plus de douceur, d'humanité et de charité. Avez-vous eu connaissance des pertes de bestiaux qu'éprouvait le sieur Mahaudière ? Et pensez-vous que ce fut le poison qui en fut la cause ? J'ai su dans le temps que M. Mahaudière perdait beaucoup de bestiaux et de nègres sur son habitation. Moi-même, je n'étais pas plus heureux. À peu près à cette époque, je perdais régulièrement 3 bœufs par chaque dimanche. Jamais plus, jamais moins. Attribuant ces pertes à la malveillance, je fis assembler mes esclaves devant la porte de ma maison. « Il est bien extraordinaire, leur dis-je, que mes bœufs choisissent tout exprès le dimanche pour mourir. Je ne puis leur supposer assez d'intelligence pour s'entendre sur le choix du jour et sur le nombre des victimes. » Je fis appeler le nègre sur la tête duquel ma conviction s'était assise et je lui ordonnai de se retirer sur une habitation voisine. Depuis lors, je n'ai plus eu à déplorer aucun malheur de ce genre. On sait par beaucoup de témoignages de l'époque que les colons prenaient très peu soin de leur bétail, que les conditions d'élevage étaient très mauvaises, ça a été dit et répété par un certain nombre d'observateurs. Or, l'accusation d'empoisonnement permet de dire « nous, on est responsable de rien. Nous, on est des gens bien, on fait notre travail, on gère bien et on est responsable de rien. » L'accusé s'indigna. « Demandez à Lucille si quatre de mes nègres ne sont pas morts en quelques jours après avoir mangé de la viande d'un bœuf mort. » « Oui, sans doute, puisqu'ils avaient mangé de la viande corrompue. Ils moururent à quelques heures d'intervalle les uns des autres. Mais ce n'est pas la seule habitation que la mortalité ravageait. On faisait de grandes pertes de bestiaux et de nègres chez mon maître, mais ce n'était pas le poison qui en était la cause, mais bien la maladie. » En fait, elle explique les choses de façon très rationnelle, contrairement à M. Douillard-Mahaudière. Elle dit, mais ces animaux étaient malades, il y a eu en fait une épizootie, c'est ce qu'elle sous-entend, et les esclaves qui sont morts en mangeant leur viande ont été effectivement victimes de cette épizootie parce qu'ils ont mangé une viande avariée, corrompue, dit-elle. Donc, elle tient un raisonnement tout à fait rationnel, mais il faut savoir qu'à cette époque, les colons niaient l'existence des épizooties. Toute disparition massive de bétail est toujours due aux empoisonneurs. Par rapport évidemment aux morts d'esclaves, quand vous avez 30 ou 40 esclaves qui meurent sur une habitation, c'est plus simple de dire ils ont été empoisonnés que de se poser des questions sur les raisons de cette mortalité importante. Et la mortalité des esclaves, elle était liée très souvent, bien évidemment, à leurs conditions de vie. Le gros de l'habitation est désigné par ce qu'on appelle l'atelier. Alors on distingue petit atelier du grand atelier. Le petit atelier, ce qu'on appelle aussi la petite bande, ce sont donc essentiellement les jeunes, entre 11 et 16 ans, qui commencent à travailler sur l'habitation, mais pour y faire des tâches qui ne sont pas trop pénibles. Ça peut être s'occuper des bestiaux, ça peut être ramasser la canne, des choses comme ça. Et puis aussi tous ceux qui ne sont plus en capacité de travailler dans le grand atelier, les personnes qui sont trop âgées, qui sont mutilées. Il y a beaucoup de mutilations sur les habitations dues à des accidents, notamment au moulin. On a beaucoup de mutilations de bras dans ce cadre-là. Et puis aussi ce qu'on appelle les nouveaux nègres ou les nègres guinés, c'est-à-dire ceux qui viennent d'arriver par la traite transatlantique. Donc les Africains nouvellement déportés. Et puis le reste, donc le principal, c'est le grand atelier, où là c'est vraiment donc les hommes et les femmes qui vont donc travailler au champ, faire le travail le plus dur, qui viennent sarcler, qui viennent arracher, qui viennent replanter, etc. Qui sont vraiment au bas de l'échelle sociale, on peut dire, dans la hiérarchie des esclaves sur l'habitation. Et je parle à dessein de hiérarchie parce qu'il y a vraiment la volonté de la part du maître de créer une véritable organisation du travail et aussi une certaine compétition. Et donc il va nommer stratégiquement certains des esclaves à des postes importants, plus importants en tout cas que celui de travailler dans les champs tous les jours, et notamment la pièce maîtresse du maître, son représentant direct auprès des esclaves, c'est le commandeur. Donc le commandeur est pratiquement toujours choisi parmi les esclaves, et il est là pour contrôler le travail. Il est là pour surveiller que les esclaves sont à l'heure au champ le matin, que leur pause n'excède pas le temps permis par le maître. Et c'est aussi lui qui va donner la punition quand il y a besoin de donner la punition. C'est lui qui tient le fouet, bien sûr, aussi pour que le maître n'ait pas à se salir les mains. Voilà, on est vraiment là dans la stratégie du diviser pour mieux régner, qui s'applique vraiment parfaitement au système de l'habitation. Le maître ne donne pratiquement jamais la correction lui-même. Et il essaye de se tenir à distance de l'organisation du travail et du travail lui-même pour le laisser vraiment aux mains du commandeur. Alors le commandeur, lui, il fait partie de ces nègres à talent aussi, hein, donc qui jouissent d'une condition de vie meilleure que les autres. Il est mieux vêtu, il est mieux nourri, il a une maison à part des casanègres. Voilà, une sorte d'avantages qui font que y a toujours quelqu'un qui est prêt à être commandeur, bien sûr, parce que son sort s'améliore, celui de sa famille aussi et de ses descendants. Le président à Albert, noir, commandeur, ne connaît pas son âge. Enchaînée devant nous, Lucille comme elle était dans son cachot. Albert exécute l'ordre de Monsieur le Président. Est-ce bien ainsi qu'étaient placés la main et le pied enchaînés? N'était-il pas plutôt superposé, comme l'a toujours déclaré Lucille? Le commandeur. Les fers ont été attachés comme ils le sont sous vos yeux. N'est-il pas vrai, Lucille? Oui. Le Président. N'ayez pas peur, nous sommes ici pour vous protéger, Lucille. Comment étiez-vous enchaînée? J'étais enchaînée comme le dit Albert, et comme je le suis actuellement. Jamais vous ne l'avez été autrement? Jamais. L'affaire des empoisonnements, enfin la question plutôt des empoisonnements, elle est vraiment totalement représentative de la peur qui existe dans la société esclavagiste. Les esclaves, bien sûr, ont peur des maîtres, mais les maîtres ont peur des esclaves. Donc, ces accusations d'empoisonnement vont être le prétexte des pires horreurs, en disant, mais c'est eux qui sont horribles. Ils veulent nous ruiner, ils veulent nous tuer, donc nous avons le droit. C'est quasiment de la légitime défense. Et c'est d'ailleurs ce que dit M. Douillard Mahaudière. Il dit « j'avais le droit de l'enfermer, à la limite jusqu'à ce que mort s'en suive », parce que c'était très souvent d'ailleurs une des peines que les maîtres faisaient subir à leurs esclaves, et que peut-être M. Douillard Mahaudière avait comme projet, c'était d'enfermer dans un cachot des esclaves jusqu'à ce que mort s'en suive. C'était très fréquent sur les habitations. Le code noir permet au maître de battre son esclave de verge et de corde, et non d'un bâton, pour ne pas casser les os. Il autorise le maître à enferrer son esclave. Ça, c'est autorisé par le code noir. Mais en dehors de cela, les maîtres montrent... Certains maîtres montrent une imagination sadique qui est sans borne. Des choses comme enduire un esclave de miel et le mettre dans une fourmilière, ou battre du fouet jusqu'à la mort. Il y a des procès au XIXe siècle qui ont montré de très grandes violences. Le procès de Jaham, on parle d'un esclave à qui on a coupé l'oreille et à qui on qu'on a obligé à manger son oreille, enfin des choses comme ça. Il y a des choses d'un sadisme extrême. La société esclavagiste permet cela. Même si ce n'est pas légal, le fait est que ça se passe. Ordonnance royale de mars 1685 touchant la police des îles de l'Amérique française. Déclaration et arrêt concernant les esclaves nègres de l'Amérique. Donc le code noir, c'est un texte juridique, un édit qui a été publié en 1685, qui réglemente le système esclavagiste, notamment les rapports entre les maîtres et les esclaves. Article 2. Tous les esclaves de nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Article 42. Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou de cordes. Article 55. Les maîtres âgés de 20 ans pourront affranchir leurs esclaves sans qu'ils soient tenus de rendre raison de l'affranchissement, ni qu'ils aient besoin d'avis de parents. Article 59. Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres. Article 44. déclarant les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les co-héritiers sans préciput et droit d'aînesse, n'être sujet aux douaires coutumiers, aux retraits féodal et lignagés, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, en cas de disposition à cause de mort et testamentaire. L'édit de mars 1185 est d'abord un texte de réaffirmation du pouvoir royal par rapport au pouvoir des colons. Il affirme la supériorité de la justice royale pour juger les esclaves par rapport à la justice domestique des maîtres. Frédéric Régent. Et puis il tranche un certain nombre de débats. Premier débat, c'est l'esclave est-il un bien mobilier ou immobilier ? Alors souvent, ça a été interprété par certains comme une chosification, une déshumanisation. Mais en réalité, si on prend les choses dans le contexte historique, il y avait un débat de savoir est-ce qu'il est possible de vendre un esclave séparément d'une plantation ? Ça répond à cette question-là. Ça répond pas à une autre question. Sinon, il y aurait une contradiction entre le fait d'un côté de dire que l'esclave est une chose et de l'autre côté de dire que l'esclave va être baptisé et que même que l'esclave peut devenir libre. Enfin, une chose ne peut pas devenir libre. Une chose ne peut pas non plus être baptisée. D'après le Code noir, l'esclave est un bien meuble, ce qui ne veut pas dire que dans le rapport avec le maître, l'esclave est un bien comme peut l'être une chaise, une table. Bon, il y a un très beau texte d'ailleurs de Condorcet qui dit justement que le maître sait que face à lui, il n'a pas comme un bœuf ou un cheval. L'esclave n'est pas comme un animal. Pourquoi ? Parce que cet esclave, il peut se rebeller. Il peut, ne serait-ce que le regarder de telle sorte que le maître sente son pouvoir mis en cause, et que donc il a, quoi qu'on en dise, il a cette humanité que le maître ne peut pas réduire totalement. L'esclave donc reste un homme, même s'il est un bien, d'un point de vue juridique. Article 22. Seront tenus les maîtres de faire fournir pour leur nourriture, par chaque semaine, à leurs esclaves âgés de 10 ans et au-dessus, 2,5 pots de farine de manioc, ou 3 cassaves pesant chacune 2,5 livres au moins, avec 2 livres de bœuf salé ou 3 livres de poisson. Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave, par chaque année, 2 habits de toile ou 4 aunes de toile au gré des maîtres. Article 26. Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus, les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leur maître, selon que nous l'avons ordonné par ses présentes, pourront en donner avis à notre procureur général et mettre leur mémoire entre ses mains. Les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais. Ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves. Qui va respecter le code noir ? Les maîtres n'ont aucun intérêt à respecter le code noir, puisqu'il y a des obligations qui leur déplaisent là-dedans. Il y a un certain nombre de devoirs qu'ils ont envers les esclaves qu'ils ne respectent pas. On vous dit qu'il faut respecter le samedi, il faut donner le samedi aux esclaves. Il faut leur donner un lopin de terre pour qu'ils puissent faire un peu de jardinage, parce qu'ils étaient mal nourris. Donc en leur donnant la possibilité de faire eux-mêmes leur nourriture, au moins, on leur donnait le samedi nègre, ce qu'on appelait le samedi nègre, c'est-à-dire un jour où ils ne travaillent pas pour le maître, ils travaillent pour eux. Et ceux qui le respectent, c'est formidable, parce que vous avez des esclaves qui ont des poules, qui ont des œufs, qui ont des légumes, et qui vont sur le marché le samedi, qui vont vendre. Et ceux-là, ils s'en sortent. Et donc c'est ça qui va leur permettre de se nourrir ou d'améliorer leur quotidien, voire même parfois de dégager un certain nombre de surplus qu'ils vont pouvoir vendre, avec l'autorisation du maître bien sûr, dans un marché et en tirer un certain profit. Voilà. Et là aussi il y a beaucoup de diversité. Le maître peut taxer ses profits, enfin il va toujours laisser quand même un pécule à l'esclave lui-même, qui va pouvoir donc économiser améliorer son train de vie, mais aussi pouvoir constituer un pécule lui permettant de racheter sa condition auprès du maître. Donc ça concerne ceux qui peuvent en fait constituer ces pécules, et ce sont surtout les nègres à talent. Alors le dimanche de toute façon est férié, parce que le dimanche on doit aller à l'église, donc les esclaves vont à l'église, ça fait partie aussi de quelque chose de très important dans la manière de gérer l'atelier, c'est d'assurer une éducation religieuse, essentiellement religieuse, hein, à ces esclaves. Donc ils vont à l'église le dimanche, écouter le sermon, sauf période vraiment de production de sucre où on ne doit pas perdre de temps en fait entre le moment où la canne est coupée et le moment où elle doit être broyée. Là, en fait, il y a des équipes qui se renouvellent en permanence, on travaille en permanence sur l'habitation, c'est là qu'arrivent beaucoup d'accidents, hein, d'ailleurs. Et donc, dans ce cas-là, on peut faire sauter exceptionnellement des journées de congé. Je crois, l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ça ne laisse que très peu de liberté, très peu de possibilités pour les esclaves. Il faut que ce soit suffisamment contraignant pour qu'ils travaillent un maximum de jours par semaine, un maximum d'heures par jour et produisent. Donc ils font quelque chose pour verrouiller un système de façon à ce que ça fonctionne, pour un maximum d'efficacité. Pardonne-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduis sur le ciel toutes les âmes. Sur le haut de notre morne, on a la maison de maître, mais on a aussi les restes d'un moulin à vent, donc bien sûr qui a été positionné en haut du morne pour bénéficier d'un vent constant. Alors ce moulin permettait de broyer la canne, dont on tirait ce qu'on appelle le vesou, qui ensuite était acheminé en contrebas du morne pour arriver donc à la sucrerie, où là il était chauffé dans ce qu'on appelle un équipage, c'est-à-dire en fait une succession de grandes cuves en fonte qui, par donc l'évaporation de la partie liquide de ce vesou, ne conservait que les cristaux de sucre qui ensuite étaient mis donc à reposer dans des grandes formes, ce qu'on appelle des formes à sucre, c'est-à-dire des grands entonnoirs en fait en céramique qui donc ensuite vont être démoulés pour donner le pain de sucre qui lui sera exporté vers l'Europe. Des chaudières en fonte, les rolls de moulin qui sont en acier forgé, enfin un appareillage industriel, des besoins d'équipement et puis aussi des esclaves qui sont spécialisés donc dans la culture, donc des contremaîtres aussi. Dans la paysannerie française, on voit pas ça. Il n'y a pas le commandeur qui est l'esclave qui commande les autres esclaves, on voit pas ça ailleurs. Puis la concentration de main-d'œuvre. L'équivalent, il y a quelques manufactures comme les Gobelins, comme Sèvres, on a ça en France, mais sinon, ça n'existe pas. Puis aussi voir des gens qui font exactement les mêmes tâches au même moment, avec une division du travail, une standardisation du travail, et des regroupements de main-d'œuvre à une époque où les usines n'existent pas. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. On parle à cette époque-là de manufacture à sucre. C'est un système pré-industriel. Vous avez la première moitié du XVIIIe siècle, en tout cas, ça fonctionne au maximum. Vraiment, c'est l'époque où ça rapporte le plus. C'est l'âge d'or du sucre. Du moins, en ce qui concerne les petites îles. Après 1763, après la guerre de 7 ans, c'est un domaine qui supplante complètement les petites îles. Et ça va être encore plus rentable, parce que ce sont des économies de grands espaces et ce sont des dizaines de milliers d'esclaves par habitation. Donc, c'est plus les petites Antilles. Aux petites Antilles, on fonctionne avec quelques centaines d'esclaves. Là, on est sur des milliers, on est d'immenses propriétés et surtout la diversification. Parce que c'est un domaine, c'est pas que le sucre. Il y a du café, il y a de l'indigo, il y a du cacao, il y a énormément de produits tropicaux. C'est la colonie la plus riche au monde, carrément. Hein. Donc la France devient, et par le biais de Saint-Domingue, le premier producteur de sucre du monde. C'est avec l'Angleterre la principale puissance mondiale. C'est un élément considérable dans le dynamisme commercial de la France. C'est ceux qui sont au bout de la chaîne, c'est-à-dire ceux qui sont les propriétaires, c'est les négociants qui vont faire des affaires et puis des fois qui vont perdre beaucoup aussi, hein. Notamment quand on est dans le système de la traite transatlantique. Là, il y a une part de risque très importante. Hein. Donc l'armateur qui va affréter un navire négrier va dépenser à peu près l'équivalent de 200-250 000 livres, ce qui est quand même une somme très importante à l'époque. Ça correspond à un petit hôtel particulier à Paris, par exemple. Voilà, pour armer un navire négrier et pour espérer à la fin récupérer plus que sa mise de départ. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a beaucoup d'aléas, évidemment. Alors, les Anglais vont mettre en place les premiers les assurances. La Lloyd's, hein, par exemple, sans donner de nom, va être un assureur pour des négriers très tôt au XVIIIe siècle. C'est la première économie connectée au monde. Si on prend les premières sociétés à actions de grande envergure, ça a été ces fameuses compagnies, comme Compagnie des Indes occidentales, Compagnie des Indes orientales. C'est dans ce cadre-là que Amsterdam, on crée la bourse. Enfin voilà, on crée banque, assurance, bourse. Enfin tout ça sont quand même liés à cette économie-là. Donc effectivement, ça contribue largement à la naissance du capitalisme moderne. Et puis aussi cette idée que désormais on produit, on fait produire dans des conditions abominables des denrées complètement superflues. Si on regarde, on peut se passer de café. L'indigo qui a un colorant bleu. Enfin, c'est quelque chose dont on peut se passer. Vous voyez, le tabac, enfin voilà. Là, on est vraiment dans ce type d'économie du superflu, mais qui rapporte énormément. Le 27 octobre, après une suspension d'audience, la question est posée. Monsieur Jean-Baptiste Douillard Maudière, habitant propriétaire demeurant à Lens-Bertrand, est-il coupable d'avoir exercé des châtiments excessifs sur la personne de Lucille en la détenant pendant 22 mois dans un cachot pour la punir d'un crime d'empoisonnement qui lui imputait ? La cour rentre dans la salle des délibérations. Un quart d'heure après, elle en rapporte un verdict d'acquittement. Il est 5 heures. La famille et les nombreux amis de l'accusé l'entourent et lui pressent la main. Le risque pour une esclave d'accuser son maître était très grand, parce que si le maître était acquitté, ce qui était quand même la règle, elle pouvait retomber sous la coupe de son maître. Et d'ailleurs, après le procès, après l'acquittement de M. Douillard Maudière, Lucille n'est pas rendue à son maître, elle est vendue, mais M. Douillard Maudière utilise un prête-nom pour la racheter. L'administration est mise au courant, donc se ressaisit de nouveau de Lucille, qui, semble-t-il, est devenue esclave du domaine, c'est-à-dire elle était devenue une esclave de l'État, en quelque sorte. Le lendemain, le général Faujas de Saint-Fond, président du Conseil colonial, à la tête d'une députation d'habitants auxquels s'étaient joints des négociants de la ville, s'est rendu chez le défenseur de M. Maudière, maître Grandpré, pour le remercier de sa conduite pendant le cours des débats au nom du pays. Grande majorité de ces procès se terminent par un acquittement. La cour d'assises étant constituée de telle sorte que finalement les colons avaient le dernier mot. Dans ce sens-là, la justice n'a aucune efficacité. En fait, elle va avoir quand même une très grande efficacité, cette justice, au sens où cela a permis un certain nombre de poursuites. Et ils vont jouer un rôle très important dans le discours abolitionniste qui va s'appuyer sur ces procès pour dénoncer l'esclavage. Et pour dire, voilà les horreurs qui continuent, oui, à se passer, voilà ce que les maîtres peuvent faire. Donc, ce que justement les abolitionnistes vont finir par dire, c'est justement, mais on ne peut pas améliorer l'esclavage. Parce que l'esclavage en lui-même suppose un pouvoir du maître sur l'esclave qui est un rapport de propriété. Et qu'à partir de là, il est impossible de limiter des abus. Parce que l'abus est compris dans le système esclavagiste. Les années 1820-1830 et même 1840 sont des années de crise où le sucre se vend très mal et là, énormément d'habitations font faillite. Vous voyez les journaux de l'époque, on vend des habitations, mais par dizaines, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique. Sauf que vous avez le tremblement de terre de 1843 en Guadeloupe. Un terrible tremblement de terre, force 8, qui couche tout. Toutes les habitations, tout est par terre. 15 000 morts, vous habitez. Bon, ils étaient déjà en difficulté. Et il n'y a pas de banque. Vous n'avez pas de banque. Comment faire repartir le système? Il faut s'adresser aux banques métropolitaines. Qui les tient? Le lobby du sucre, de betterave. Et c'est là qu'ils vont faire pression. Dire, ok, il n'y a pas de problème. On veut bien vous financer, mais achetez-nous des machines. Arrêtez l'esclavage. Abolissez l'esclavage, achetez-nous des machines et on vous finance. Et c'est ce qui va se faire. On va passer de l'habitation sucrerie dont je vous parlais aux usines centrales et ça commence à l'issue de ce tremblement de terre. Et il y a un élément qui corrobore tout ce que je dis, c'est que l'abolition de l'esclavage officiellement c'est 1848. Figurez-vous qu'en 1847, en juillet 1847, le conseil colonial de la Guadeloupe, composé uniquement de colons esclavagistes, propriétaires d'esclaves. Ils font une adresse au roi Louis-Philippe demandant l'abolition de l'esclavage un an avant parce qu'ils n'ont pas le choix. Et ça, c'est spécifique à la Guadeloupe. Vous verrez ça nulle part ailleurs. Mais c'est dire à quel point la situation était dramatique. Pourquoi on abolit l'esclavage? Faut pas chercher, hein. C'est pas une histoire d'homme. On nous a eu, entre guillemets, avec ces histoires de chair, etc. La vérité, c'est que il y a un processus industriel. La révolution industrielle, les Anglais, déjà Adam Smith, depuis 1797, avait dit arrêtez ça, l'esclavage c'est stupide, c'est pas rentable. Eh bien, l'Angleterre fait sa révolution industrielle. C'est pas par hasard qu'elle est la première à abolir. Dès 1833, elle abolit, mais parce qu'elle a bien compris que c'est un mode de production qui est devenu obsolète. Donc on change complètement de système. Au nom du sucre, crime et profit. Avec André Lucrèce, Mathieu Dussauge, Frédéric Réjean, Caroline Houdin-Bastide, René Bellénus et Dominique Rogers. Lecture du procès de la Mahaudière, Yasmine Modestine, Mexianu Médénou et Antoine Lachan. Archive INA, Véronique Jolivet. Coordination, Perrine Kervran et Marie-Vonne Abolivier. Prise de son, Clémence Bonfils. Mixage, Claude Niort. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Diffie Mariani. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter en Guadeloupe, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter partout et tout le temps, le podcast, sur l'application Radio France et ailleurs, et pour nous parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Thank you. Demain, deuxième épisode, l'émancipation des esclaves. Mais en attendant, restez à l'écoute.